That's the sound of the police. J'ai entendu un gros boom. Enfin, tout a pété. La police. C'est de la merde. L'armée. C'est de la merde. La justice. Messieurs les jurés, c'est de la merde. La religion. C'est de la merde. La patrie. C'est de la merde. Le capital. C'est de la merde. Et à moi. Toujours de la merde. Et tiens. Salut, bienvenue à toutes et à tous dans l'émission du magazine Libertaire. Ici, on cause d'actualité des luttes, de la France et du monde qui pue, et on essaye de donner la parole à celles et ceux qu'on n'entend pas ou peu dans les médias d'habitude. Alors le Maglib est diffusé tous les mercredis de 12h05 à 13h30 sur JetFM 91.2 et sur jetfm.fr. Comme nous sommes en direct, vous pouvez aussi nous contacter par téléphone pendant l'émission au 02 28 25 23 88. Ou nous envoyer un mail sur notre adresse maglib@riseup.net. Vous pouvez aussi nous retrouver avec nos podcasts sur notre site maglib.noblogs.org. Oui, alors aujourd'hui nous sommes le 9 octobre 2019. Nous allons commencer par parler et écouter un petit enregistrement au sujet des travailleurs sans papier qui sont en grève du côté d'Alfortville. Ils travaillent pour Chronopost. Alfortville, c'est dans le Val-de-Marne. Nous allons continuer par la deuxième partie du billet sur Madagascar. Et ensuite, nous parlerons de ce qui se passe au gymnase à Nantes avant de terminer par l'agenda. Donc tout de suite, nous allons parler des travailleurs sans papier. Depuis le 11 juin, des travailleurs sans papier sont présents jour et nuit devant l'agence Chronopost à Alfortville. Donc c'est dans le Val-de-Marne. Ils exigent leur régularisation. Alors ces travailleurs, ils sont employés par Chronopost, certains depuis plusieurs mois. Et Chronopost, en fait, elle sous-traite, sous-traite leur embauche à de riches bourgs. Et laquelle se cache derrière les sociétés de travail d'intérim comme Mission Intérim. Alors Chronopost, ce sont des milliers de colis qui transitent tous les jours en France. Et les travailleurs sans papier sont affectés aux tâches les plus dures. En fait, ils déchargent les colis des camions et les trient. Sachant qu'une personne doit vider un camion, une personne est affectée à un camion et doit vider ce camion de tous les colis en moins de 30 minutes. Sinon, ben, la personne est virée. Ils travaillent donc de nuit, de 3h à 7h du matin, mais ils sont payés en horaire de jour. Et du coup, pour un salaire complètement misérable, en fait, ils gagnent en moyenne, parce que ce n'est pas toujours la même somme, ils gagnent en moyenne 600 euros par mois. Voilà, ils n'ont pas le droit de pause, les heures supplémentaires ne sont pas payées. Alors, ils reçoivent une fiche de paye à la fin de chaque mois, et en général, la fiche de paye indique un temps de travail inférieur au mi-temps. C'est carrément de l'exploitation, de l'esclavagisme. Et les entreprises profitent en fait de ces travailleurs qui n'ont pas le choix, qui n'ont pas d'autre choix en fait que de travailler pour pouvoir vivre et survivre. Alors, les travailleurs, donc, ils ont créé tout un réseau. Ils sont entourés d'autres travailleurs sans papier, donc qui travaillent aussi dans d'autres chronopostes, parce qu'il n'y a pas que Alfortville que ça se passe comme ça, apparemment. Par un collectif de travailleurs sans papier aussi à Vitry. Ils sont soutenus aussi par Sud PTT et Solidaire. Il y a eu plusieurs manifestations donc, depuis le 11 juin devant les entreprises concernées. La direction de Chronopost, elle, a répondu qu'en fait, elle n'était pas l'employeur des personnes. Alors, donc, comme il y a plein de sous-traitants, évidemment, ils se cherchent, voilà, ils se revendent chacun la balle. De Richebourg, ben, lui, il fait la sourde oreille. Donc, répond pas aux demandes de rendez-vous. Et quant à mission intérim, en fait, donc, les personnes ont occupé les locaux le 29 juillet et ils ont été évacués par les flics. Voilà. Donc là, on va écouter un extrait d'émission, plusieurs petits extraits que j'ai mis bout à bout, d'une émission qui s'intitule « L'actualité des luttes », donc qui est diffusée le midi, je pense, sur Radio Fréquence Paris Pluriel du côté de Paris. Et donc cette émission, ça s'appelle « Chronopost, la lutte continue ». Elle a été diffusée le 18 septembre, où on entend d'abord l'animatrice de la... de l'émission, en fait, qu'on commence par parler de Chronopost, expliquant ce qu'est Chronopost, la poste. Et ensuite, on a des témoignages de travailleurs. Bonne écoute, à tout à l'heure. Le 12 septembre, France 2 diffusait le magazine Envoyé spécial qui dénonçait la pression managériale de l'entreprise La Poste qui entraîne de nombreux suicides passés sous silence suite aux multiples réorganisation. Le 1er mars 2010, La Poste est devenue une société anonyme à capitaux publics. Malgré la consultation organisée dans toute la France par une soixantaine d'organisations opposées au changement de statut de La Poste, plus de 2 millions de votants, 90% opposés à la privatisation, et comme d'habitude, l'État s'est assis dessus et a fait en fonction de ses intérêts qui ne sont manifestement pas les nôtres. Sur quoi La Poste, qui mélange si bien public et privé comme l'État et les entreprises, a pu réaliser 24 milliards de chiffres d'affaires? Eh bien, c'est très simple, environ 50 000 personnes en 10 ans, en réorganisant jusqu'à pousser à bout ses employés jusqu'au suicide, en précarisant, sous-payant, en ayant recours à la sous-traitance. Vendredi 13 septembre, nous sommes retournés voir les chronopostes, symbole de l'exploitation, de l'esclavagisme moderne, comme ils disent. Ils marchent ensemble, sans se séparer. L'union fait la force chez les ouvriers, sur tous les chantiers, le cœur plein d'espoir, l'espoir de changer cette société. Chronopost est une marque de La Poste spécialisée dans l'envoi du courrier express. Les produits Chronopost sont vendus dans tous les bureaux de poste. Les envois de courrier en Chronopost, aux tarifs élevés, rapportent beaucoup d'argent à La Poste. Mais derrière ces produits, vantés par La Poste pour leur délai de livraison express, derrière la marque Chronopost se cache une réalité sordide et inhumaine. Pour décharger les camions transportant les envois Chronopost et pour trier ces envois afin de permettre leur distribution, La Poste utilise en toute connaissance de cause des travailleurs sans papier, privés des droits élémentaires dont bénéficient les travailleurs en France. La Poste profite des menaces d'expulsion du territoire qui pèsent sur eux pour imposer des conditions de travail dégueulasses qu'ils ne respectent ni le droit du travail ni la dignité humaine. Ces travailleurs embauchés à 3 ou 4 heures du matin, employés à temps partiel, leur salaire mensuel s'élève à 600 euros. Les heures supplémentaires ne sont pas payées. Ils travaillent de nuit en horaire de jour. S'ils réclament, c'est la porte, sans possibilité de se défendre à cause de leur situation de sans-papier. De même, en cas de maladie, de revendication, pas de vacances. Depuis le 11 juin, plusieurs dizaines de travailleurs sans-papier employés par Chronopost sont présents jour et nuit devant l'agence d'Alfortville pour demander leur régularisation. Vous êtes en lutte depuis combien de temps? On est là depuis 3 mois. 3 mois complets, même c'était avant-hier quand on est parti manifester devant la préfecture quoi, de Créteil. 11 juin, 11 septembre, 3 mois complets. Qu'est-ce qui a motivé cette entrée dans la lutte? Tout d'abord, Nous, on a travaillé ici à Chronopost. Le nombre de personnes qui ont occupé les lieux, ce n'est pas les chronos d'Alfortville seulement. Il y a des chronos de Silmanzaré, il y a des chronos de Rangis, il y a des chronos de Nanterre. On est nombreux quoi, en fait, à peu près 40 personnes comme ça. Parce qu'on travaille ici, nous sommes des sans-papiers, on voit que ces gens sont là à nous exploiter. On travaille, on fait des gercips, ils ne nous payent pas. Beaucoup de travailleurs de Chronopost, de différents centres, qui se sont réunis ensemble aujourd'hui ici, à Alfortville, pour gueuler contre leurs conditions de travail. De quelles origines vous êtes? Parce que là, on se rend compte quand même qu'il y a énormément donc, de sans-papiers issus de l'Afrique du Sud. Ouais, bon, la majeure partie, c'est vient du Mali. Il y a des Maliens, il y a des Sénégalais. Bon, à rare, peut-être quelques-uns des Mauritaniens aussi. Sinon, la majorité même, c'est des Maliens. Bon, il y a des Sénégalais aussi parmi nous. Tu étais en train de décrire le fait d'une surexploitation, très certainement dû au fait que vous êtes précaire, sans papier, donc exploitable à merci. Oui. Bon, ce qui nous a poussé à faire cette lutte, parce qu'on travaille ici, ils nous exploitent en fait comme des esclaves. On travaille la nuit, c'est heure de nuit, mais ils nous payent comme la journée. Quand on fait des ERSIP aussi, ils ne nous payent pas. Les ERSIP, c'est non payé. On voit que tout ça, ce n'est pas la solution parce que les gens, les chronos même, les savent que nous sommes des sans-papiers. Juste, c'est à cause de ça, ils se profitent pour nous exploiter en fait. Parce que nous, on est condamnés à travailler en fait. Parce qu'on n'a pas les choix, obligé, il faut qu'on travaille. Quand il n'y a pas quelqu'un qui va prendre ta charge, obligé. Il faut que tu te lèves pour faire quelque chose. On est dans une condition inacceptable. Parce que depuis qu'on est venu, tu fais rien. La souffrance, que les parcours que nous on a fait de venir ici, on ne peut pas venir et rester courageux les prendre. Donc, obligé, on est venu ici. Mais on sait que les gens des chronos nous exploitent. Mais avec tout ça, on a assumé parce qu'on n'a pas le choix. Sinon, de travailler par des 3h, souvent à 4h du matin jusqu'à 7h, par mois, on te paye 500 euros. Tout d'abord, nous, on fait partie d'un collectif, en fait. Parce qu'on est parti voir le collectif comme quoi, de les expliquer les camps. On est là, on est dans une condition inacceptable. Ils sont là à nous exploiter. Donc, on est parti voir le collectif, en fait, pour en parler là-dessus, quoi. Le collectif des sans-papiers de Vitry-sur-Seine. C'est SPV, quoi, en fait. Parce que il y a beaucoup parmi nous qui font partie de ce collectif. Quoi. Alors, juste de dire quand même, si tu peux décrire deux secondes ce collectif, parce qu'il existe déjà depuis très longtemps. Oui. Ça veut dire qu'il est organisé, structuré, oui. Et il se bat, enfin, il connaît bien oui. Voilà, les rouages du combat. Ouais. Bon, tout d'abord, il existe depuis 10 ans. On les voit chaque jour, il est avec des sans-papiers, même quand on fait des arrestations avec les sans-papiers. C'est pour cela que nous aussi, on a décidé d'aller les voir, comme quoi, de les expliquer les camps. Après, on est parti voir les gens de ce site PTT et Union Solidaire, les syndicats, sont venus nous aider pour faire l'occupation. Grâce à eux aussi, on a fait l'occupation. Donc, nous aussi, on est là. On a dit qu'on est déterminés, donc on veut la régularisation de tout le monde. C'est tout. Alors, il y a à la fois, j'imagine, cette question de la régularisation, puis à partir du moment où vous travaillez, oui. Vous devez avoir des CERFA et vous devez pouvoir avoir une régularisation, mais il y a aussi les conditions de travail. Oui. Qu'est-ce que vous réclamez au niveau d'une amélioration de vos conditions de travail? Ce qu'on veut comme amélioration, on veut qu'ils nous régularisent et ils nous embauchent à temps plein aussi. C'est ça l'essence de notre combat aujourd'hui en fait. Ils nous régularisent et ils nous embossent à temps plein. Il nous a démenti comme quoi il n'y avait pas de sans-papiers dans leur site. Et on a les fiches TP avec nous, on a des contrats d'émission. Chaque semaine, les messages qu'ils nous envoient pour la confirmation des missions de la semaine, on a tout ça dans nos portables avec nous. C'est-à-dire que vous, c'est toutes les semaines, on vous dit ce que vous avez à faire, ça change tout le temps. Vous ne savez jamais à l'avance. C'est ça, c'est chaque semaine qu'ils nous envoient mission de la semaine. C'est chaque vendredi en fait. Parce que la semaine se termine à samedi. Donc c'est vendredi qu'ils nous envoient mission de la semaine. Donc cela veut dire que pour la semaine prochaine, c'est confirmé. D'accord. Tu vois. Si je dis bien que les gens des chronos les savent que nous sommes des sans-papiers, il y a des gens parmi nous, trois personnes, deux personnes, ils ont travaillé avec les mêmes papiers, les mêmes alias. Donc je veux dire que... Oui, ils savent très bien, bien sûr. Voilà, c'est ça. Même quand nous, on veut faire des badges, ils vont dire que la carte, c'est pas à vous. On ne peut pas vous faire des badges avec la carte de quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour cela que nous, on est là. Nous, avant de commencer les boulots, nous, on vient avant l'heure. Si on va commencer à 3h, il faut qu'on soit là depuis 2h. Parce que nous, on n'a pas de badge pour rentrer. On vient, on attend les gens qui ont des badges à la porte. Si ils viennent, ils pontent, on rentre avec eux. Donc, nous, on n'a pas le choix. Comment il y a des gens parmi nous qui ont travaillé pendant 2 ans, il n'y a pas eu de contrôle. 17 mois comme ça, il n'y a pas eu de contrôle. Cela veut dire que c'est leur complicité avec leur boîte de sous-traitants. Même pour nous, quand tu tombes malade, tu ne peux pas rester à la maison. Parce qu'une fois que tu tombes malade et que tu restes à la maison, ils vont te remplacer par un autre sans-papier. Donc nous aussi, on est perdu de ne pas perdre notre place aussi. Une fois que tu perds ta place, ce n'est pas facile aussi de, retrouver, ouais. Voilà, de les retrouver en fait. Donc on n'a pas le choix, même si quand tu tombes malade, obligé, tu te débrouilles de venir. Une seule personne, ils vont te jeter dans les camions de décharger en 25-30 minutes maximum. Il y a beaucoup de trucs lourds dedans, mais tu es obligé de les porter seul en 25-30 minutes. Vous portez tout seul? Tout seul, une seule personne par camion. Notre chef d'équipe même, c'est un Camerounais, c'est un noir comme nous. Mais c'est lui-même qui est plus pire que les gens des chronos. C'est lui qui nous montre des pressions. D'ordinaire, vous habitez où? Ouais, bon, si on habite par foyer, parce que il y a beaucoup de gens parmi nous. On habite au foyer, même au foyer, tu peux. Parce que quand on dormait sur l'escalier, chaque fois il y a des contrôleurs qui passent là-bas. Ils vont prendre vos matelas, de jeter dans les poubelles comme ça. Bon, on ne sait plus quoi faire quoi, en fait. Donc obligé, tu vas faire colocation quoi, en fait. Ouais. C'est quelqu'un qui va t'héberger à côté des lits. Par mois, tu vas lui donner 100 euros. Tu vois. Bon, nous, on est obligé de travailler. Parce que si une fois que quelqu'un t'héberge à côté de lui, et que tu lui donnes pas l'argent, enfin, il va te mettre dehors. Donc, il va te remplacer par quelqu'un d'autre. Donc, nous, on a tous ces pressions-là avec nous. Même si les gens de chrono nous exploitaient là, on peut pas arrêter les boulots, en fait. Parce qu'il faut que tu gagnes quelque chose au moins en fin de mois pour te nourrir, pour faire tes petits besoins, même des tickets de métro comme ça. Donc, obligé, fait que tu fais quelque chose, en fait. Et donc, qu'est-ce qui vous a déterminé, finalement, à discuter entre vous et à vous organiser? Parce que ce n'est pas du tout évident, d'abord, de s'organiser sur un centre. Vous êtes tout seul par camion, donc il faut rencontrer les autres travailleurs pour voir ce que vous pouvez faire ensemble. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Qu'est-ce qui a fait, à un moment, que vous êtes dit que ce n'est plus possible de se faire exploiter de cette manière-là? Parce que nous, les sans-papiers, on se connaît tous. Là où les plus durs dans les sites, c'est les sans-papiers qui travaillent là-bas. Même dans le déchargement, c'est les sans-papiers qui font des déchargements. Sinon, les gens qui ont leurs propres papiers refusent de faire le déchargement. Donc, on se voit là-bas. Chaque fois, c'est nous qui se trouvons au niveau du déchargement, en fait. C'est pour cela qu'on a pris les contacts. Donc, chaque dimanche, on s'est réunis. On a fait la préparation longtemps. Donc, chaque dimanche, on s'est réunis pour en parler. La situation qui nous exploite ici. On voit que, parce qu'une fois que tu travailles, pour arriver à 18 mois, pour ne pas être obligé de t'embaucher, ils vont te mettre en fin de mission. Il y a beaucoup de gens parmi nous qui étaient en fin de mission. Donc on voit tout ça, ce n'est pas la solution. Parce que nous-mêmes, on n'est pas arrivé à ce niveau, mais on est en route vers. Donc pour éviter tout ça, on s'est réunis de décider de faire la revendication de nos droits. Soit ils nous régularisent, ou bien on va aller. On va aller faire l'occupation au lieu. Donc c'est ça qui nous a poussé à faire. D'accord. Donc ouais. Vous avez déjà pris vachement de temps pour vous rencontrer, discuter, voir comment vous alliez faire, peut-être prendre des contacts avec des gens qui allaient pouvoir vous soutenir, etc. Comment après, vous avez décidé d'aller voir d'autres centres chronopostes, c'est-à-dire pas rester uniquement sur celui d'Alfortville, mais aller voir les conditions de travail des autres chronopostes pour pouvoir faire une coordination et être plus nombreux? Ça, c'est très simple, parce que les collectifs, il y a beaucoup de gens, une fois qu'on va faire la préparation d'une occupation quelque part, parce que ça peut être que moi, lui, on fait partie des mêmes collectifs, mais moi, je travaille du chrono ici, lui, il travaille au chrono de Sylmanjarin. Bon, une fois qu'on est dans les collectifs, chaque fois, on fait des réunions sur ça. Donc, c'est ça qui amène du lien pour être en contact, quoi, en fait. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé d'aller voir les collectifs et on a trouvé, il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans les collectifs aussi, qui ont travaillé du chronopost ailleurs. Donc, en fait, leurs conditions de travail, c'était les mêmes que vous. Pareil comme nous aussi. Pareil comme nous aussi. Parce qu'ils nous exploitent. Ils ne veulent pas nous donner des badges. Même quand il pleut, quand il neige, nous on vient ici, on arrête à la porte. Jusqu'à ce que les gens qui ont des badges arrivent. Donc on va rentrer avec eux. Parce que même les contrats pour le CDI, les patrons, ils nous demandent quoi. Parce qu'ils nous connaissent déjà les sans-papiers. Donc il va dire que non. Il y a des gens qui sont venus après nous, même pas un mois. Mais ils ont leurs propres papiers avec eux. Ces gens-là ont été régularisés et ont été pris en CDI. Mais nous, on a fait plus d'un an là-bas, toujours parce qu'ils savent que nous, on n'a pas de papiers. Donc, ils refusent de nous embaucher en CDI, en fait. Ouais, mais ils continuent à vous exploiter, voilà, en vous sous-payant. Parce que là où le plus dur, dans leur site même, c'est les sans-papiers qui travaillent là-bas. Depuis qu'on a fait l'occupation, ils ont des problèmes à avoir. Parce que là où nous, on travaille, les gens qui ont leurs propres papiers ne veulent pas supporter là-bas. Ils refusent de les faire. Même dans le tri, nous, les sans-papiers, ils peuvent nous donner 5 villes, 4 villes différentes. Mais les gens qui ont leurs papiers refusent de les faire. Mais nous, on n'a pas le choix. Vous êtes corvéable à merci. C'est ça. Donc, nous-mêmes, on n'a pas le choix. Obligé, quand on te donne chez les mains, tu vas les faire. Alors même comment... ils ne peuvent pas régler les mains pour aller faire des interventions aussi, des réclamations comme quoi, tu n'as pas eu des RCIP, ils vont te virer aussi. Parce que le CEP nous a parlé combien de fois que de ne pas partir à la mission intérim pour faire des réclamations là-bas. Mm-hmm. Bon, c'est pour cela que nous, on a continué comme ça. Mais moi, avec lui, on peut travailler même heure dans les mois. Mais on peut avoir des salaires différents. Peut-être moi, je peux gagner 600, lui peut gagner 500. Il nous paye comme il veut. Là, ce que tu es en train de dire, c'est que globalement, quand vous bossez là comme ça, de nuit, dans des conditions extrêmement dures, en restant à la porte, qu'il neige, qu'il pleuve, etc., ton salaire mensuel, il est de combien? Non, c'est 600 euros. 600 euros, d'accord. 600 euros par mois. Okay. On a des fils d'épée avec nous ici, rare d'y voir 700 euros par mois. Chronopost, ça dépend de la poste, on est d'accord. Bon, alors tu sais que c'est une entreprise qui fait plusieurs milliards de bénéfices tous les ans. On se rend compte à travers ton témoignage comment ils les font ces milliards de bénéfices en sous-payant et en exploitant et en poussant au suicide certains de leurs employés d'ailleurs. Moi je vais dire que les chronopostes sont en train de charicher au dos des sans-papiers. Quand ils voient des chronos, c'est les mains, il y a des sans-papiers qui travaillent là-bas. Comment vous avez mis en place votre stratégie de lutte? Parce que vous êtes devant là de très très très nombreuses tentes, vous habitez devant Chronopost, vous faites le siège de Chronopost, mais vous avez également été devant la préfecture et vous avez fait d'autres luttes pour pouvoir vous montrer votre détermination. Est-ce que tu peux nous faire un peu l'historique des différents points forts de la lutte que vous avez pu effectuer depuis 3 mois? Ouais, bon, tout d'abord, on a commencé à faire l'occupation à l'intérieur de leur site, quoi, en fait. On était là-bas, mais il y a eu des semaines après. Donc, le juge nous a évacué de sortir à l'intérieur, de rester, qu'on peut rester à la porte. Mais il nous a évacué de sortir. Ouais. Sinon, tout d'abord, on a commencé à faire l'occupation là-bas. Après, quand il y a eu des projets, les verdicts tombaient, donc le juge nous a évacué de sortir. Donc, on était obligé de sortir, de rester à la porte, quoi. Parce que nous, on est là à réclamer nos droits. Donc, s'il y a eu des procès et que les juges aussi nous ont demandé de sortir, obligé, on doit sortir aussi. Voilà. D'accord. Si on veut respecter, on veut qu'ils nous donnent nos droits, on doit respecter les droits aussi. Ouais, voilà. Donc, c'est ça qui nous a poussé aussi à sortir. On n'a pas fait des dégâts ni rien du tout. Même à la préfecture aussi, parce que plusieurs fois, on est parti manifester. On est parti à mission intérim. Quand on est parti demander de Sherfa, il y avait des policiers qui se sont venus là-bas. Ils voulaient même nous évacuer aussi. Donc on est sorti là-bas parce que juste nous on est parti là-bas, on est quitté ici au piquet pour aller manifester là-bas. Les gens des chronos ne parlent pas. Les gens de mission intérim ne parlent pas. Les gens de Richebourg aussi ne parlent pas. Même tout récemment. De Richebourg, c'est des sous-traitants aussi. D'accord. C'est des donneurs d'ordre. D'accord, okay. Voilà, donneurs d'ordre, c'est de Richebourg en fait. C'est mission intérim qui nous envoie de venir travailler ici. Quelles sont les perspectives dans les semaines à venir? Parce que là, visiblement, vous allez rester. Hein, vous êtes parti pour rester devant Chronopost. Comment vous voyez la suite ? On est déterminé et on espère gagner. Et on est déterminé aussi d'y rester. Sans trouver des solutions, nous, on ne bougera pas d'ici. Il nous a exploités. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités aussi pour nous régulariser. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez rejoint les autres ? Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de mouvements, les Gilets Noirs, depuis bientôt un an, qui manifestent justement pour obtenir leur régularisation. Visiblement et concrètement, avant, quand il y avait des très gros mouvements de sans-papiers, il y avait toujours des régularisations. Maintenant, il semblerait que le gouvernement est particulièrement autiste et refuse de donner, de régulariser. Est-ce que vous participez à ces mobilisations ? Des Gilets Noirs ? Des Gilets Noirs, ouais. Ouais, bah, on est en contact avec des Gilets Noirs, en fait. Quand ils vont faire des manifestations... On envoie une délégation là-bas. Ouais. Bon, quand nous aussi on va faire. Mais ils n'ont jamais venir. Ils ne sont pas venus ici. Même une fois, quand le 6 septembre, les gens de CSP 75, CSP 20, droit devant, sont venus nous soutenir ici en fait. Ouais. Et on a fait une manifestation des écoles vétérinaires jusqu'à ici au piquet ici. Ouais. Donc, mais on avait pris que les gens des. Gilets noirs aussi seront là, mais on ne l'est pas vu. En tous les cas, ce qui est vraiment très, très, très intéressant, c'est de voir la structuration de votre mouvement, c'est-à-dire vraiment la réflexion, les réunions, les discussions qu'il y a autour de vos actions. C'est-à-dire vraiment réfléchir à comment agir, comment avancer ensemble et avec d'autres chronopostes. Ouais. Bon, c'est ça. Chaque fois, on fait des réunions avec nos syndicats, avec les collectifs aussi, en fait. Parce que même si, quand on a quelque chose à faire, on a envie de faire quelque chose, on fait des réunions avec le syndicat, avec les ouais, nous, on a envie de faire ça. Bon, on va débattre le sujet entre nous-mêmes, quoi, avec nos syndicats. Syndicats, ouais. Ouais, les syndicats. Alors, j'ai vu qu'il n'y a que Sud qui vous soutient, c'est ça ? C'est Sud et ouais, Solidaire ? Sud Pétotier et Solidaire qui nous soutient. Ouais. Ouais. Et les autres syndicats, pour l'instant, vous ne les avez pas vus ? On a fait plusieurs appels à la CGT, mais toujours jusqu'à présent, on ne les voyait pas toujours. Sinon, on a fait plusieurs appels à la CGT aussi. Donc, on a dit que... Parce que nous, on n'a pas le choix. Nous, on est faibles aussi parce qu'on est face à l'État. Donc, on a besoin de beaucoup de soutien pour gagner la lutte, en fait. Sinon, on est en contact avec beaucoup de gens, tels que les femmes de l'hôtel Ibis aussi. Ouais, même hier, on a envoyé une délégation pour aller manifester avec eux aussi, quoi. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce qui a fait que toi, jeune homme, assez jeune quand même, avant, tu t'étais engagé dans des mouvements de lutte ? C'est ça, je vous ai dit, nous on est quitté notre pays de venir ici, les parcours que nous on a eu avant d'arriver ici, très fatigant. Combien t'as mis de temps pour venir jusqu'en France ? À peu près bientôt 2 ans. 2 ans ? Ouais, 2 ans. Parce que j'ai fait 1 an en Algérie, 8 mois au Maroc. Bon, pour arriver, je vais dire que bientôt 2 ans. C'est ça que je fais en route, quoi, en fait. Donc avec tous ces parcours-là, bon, parce que nous, on va dire que c'est nous là-bas, c'est le slogan de chez nous en Afrique. Quand tu veux les droits, tu vas partir en France. Bon, si on vit en France aussi, ils nous exploitent de la même manière qu'en Afrique aussi. Bon, on ne s'attendait pas à ça, quoi, en fait. C'est pour cela, parce qu'on est venu. Parce que quand tu n'as pas quelqu'un qui va t'aider, tu es obligé de faire. On n'est pas quitté au pays, de venir croiser les bras ici. Donc, obligé, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, c'est pour cela qu'on est en train de tout donner au fond. Pour travailler, sinon c'est pas maintenant. Depuis qu'on a commencé, ils sont là à nous exploiter. Mais on voit que c'est pas la solution. Donc c'est pour cela qu'on a décidé de prendre notre responsabilité aussi, de s'engager dans la lutte en fait. Oui, alors vous êtes toujours dans le magazine libertaire sur Jet FM 91.2. Donc nous venons d'entendre les témoignages de personnes qui travaillent à Chronopost du côté d'Alfortville et qui sont mis en mouvement justement pour demander leur régularisation et aussi pour contre les l'exploitation qu'ils vivent sur leur lieu de travail. Vous pouvez retrouver cette émission sur actualité des luttes.info Sinon, j'ai aussi une autre émission que j'ai écoutée, mais que vous pouvez, si je vous invite à l'écouter. C'est une émission sur Radio Primitive. Ça s'appelle L'Égrégore à Reims. Et c'est l'émission du 16 septembre. Elle est diffusée en direct tous les lundis de 19h. Enfin, L'Égrégore intervient en direct tous les lundis. Donc sur Radio Primitive de 19h à 20h, mais vous pouvez retrouver donc une émission aussi au sujet des travailleurs d'Alfortville. Donc c'est l'émission du 16 septembre où il est question aussi de juridique, hein, où en fait des personnes de Sud parlent et ils disent que justement ce qui est mis en œuvre au niveau de Chronopost, c'est que les contrats sont faits en sorte que ça ne rentre pas dans le cadre justement pour demander, faire une demande de régularisation. Enfin, c'est un truc où, en gros, Chronopost garde une main-d'œuvre malléable. On a besoin de petites mains pour faire le travail de nuit, donc ce qu'ils font, décharger les camions, des travaux assez, assez difficiles. On les garde de côté, mais par contre, on s'arrange pour que, en fait, il n'y ait pas possibilité qu'ils aient plus de droits. Et donc voilà, je vous invite à écouter aussi cette émission. Et depuis mi-septembre, donc en fait, il y a eu quand même, et je crois que c'est la première fois qu'ils ont obtenu un rendez-vous avec une quelconque administration ou entreprise donc, qui demande donc un rendez-vous qu'ils demandent depuis début juin. Ils ont eu un rendez-vous avec le préfet du Val-de-Marne. Et ils ont été reçus, donc il y a une délégation qui a été reçue le 27 septembre. Et ils ont sorti un communiqué parce que la lutte continue, parce que le préfet, en fait, a tenté d'imposer des conditions, en fait, dans le sens où, en fait, il demande la levée du piquet de grève, donc pour traiter les dossiers. Il affirme que tous les grévistes ne seront pas régularisés, alors que ce qu'ils demandent, c'est d'être. Enfin, ils sont solidaires et que du coup, tout le monde doit être régularisé. Tout le monde travaille dans les mêmes conditions et que du coup, c'est leur point d'ordre, c'est la régularisation de tout le monde. Alors, le communiqué dit les forces qui occupent le piquet devant l'agence Chronopost d'Alfortville depuis l'an juin dernier ont été reçues le vendredi 27 septembre par une délégation conduite par le préfet du Val-de-Marne, M. Raymond Ledeun. À ce stade, les prises de position de la préfecture ne permettent pas une sortie positive du conflit pour les travailleurs concernés. Lors de cette rencontre, la préfecture a estimé que la responsabilité de la situation de surexploitation subie par les salariés de Chronopost actuellement gréviste, incombait à la seule sous-traitance, dégageant ainsi la responsabilité de l'entreprise La Poste, propriétaire à 100% de Chronopost et société sous la tutelle intégrale de l'État. Concernant l'absence d'enquête par les organismes de contrôle de l'État sur les éventuelles infractions de ces sociétés, donneurs d'ordre ou sous-traitants, donc de Richebourg et Mission Intérim, le préfet a considéré que c'était au seul syndicat de traiter le problème sur le plan juridique. Le préfet a estimé possible de régulariser certains travailleurs selon des critères dépassant les textes en vigueur concernant la seule régularisation par le travail, mais il a affirmé d'emblée que tous les grévistes ne seraient pas régularisés, alors même qu'il ne connaît pas le contenu des dossiers. Concernant le guichet unique que nous pensions avoir obtenu, c'est-à-dire le canal unique de négociation pour tous les demandeurs, quel que soit leur domicile, il est apparu qu'il ne s'agissait que d'un dépôt en préfecture de Créteil, le dossier étant ensuite acheminé aux différentes préfectures de la région, échappant ainsi au cadre des discussions. Enfin, le préfet fait de la levée du campement la condition pour le traitement des dossiers des personnes n'ayant pas travaillé à Chronopost et qui sont présentes depuis plusieurs mois sur le piquet en soutien à leurs camarades de Chronopost. Donc c'est une tentative de désolidariser, de casser le mouvement. Dans cette réunion, l'État, par la voix de la préfecture, continue à couvrir les illégalités de La Poste et ne semble même pas vouloir s'opposer réellement aux intérêts des sous-traitants qu'il met en cause par ailleurs. Nous rappelons que la revendication de régularisation de tous les grévistes, Chronopost, est bien une revendication de principe à même de sanctionner le comportement de l'État qui, d'une main, définit des critères de régularisation, donc qui s'appuie sur la circulaire Valls, et de l'autre, pioche des salariés dans la population qui en est exclue pour les surexploiter. De même, l'acceptation d'un guichet unique pour le traitement de tous les dossiers à la préfecture du Val-de-Marne, ainsi que l'absence d'obligation de quitter le territoire français pour tous les cas soumis à la préfecture, restent les conditions de dépôt des dossiers. La condition de levée du piquet pour pouvoir déposer des dossiers des travailleurs sans papier qui occupent depuis 4 mois le piquet d'Alfortville ne peut être recevable car nous enlèverait tout moyen d'imposer que leur instruction débouche positivement. Le combat continue. Et donc les personnes sont toujours mobilisées, elles sont toujours devant donc Chronopost Alfortville, jour et nuit. Et il y a une prochaine mobilisation, celle-ci aura lieu devant le ministère du Travail le vendredi 11 octobre à 16h. Donc je vous invite à aller voir tous les liens que je vous ai donnés. Et puis les informations, j'ai eu pas mal d'informations sur Paris Lutte Info, ou dans d'autres journaux web que vous pouvez trouver en tapant Chronopost, sans papier. Bon. Alors, on va faire une petite pause musicale et on passe à la suite de l'émission. Comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe. On veut partir alors, ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous, venir sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser. Avoir un beau métier, pouvoir voyager, connaître ce que vous appelez liberté. Que nos familles ne manquent plus de rien. On veut avoir cette vie où l'on mange à sa faim. On veut quitter cette misère quotidienne pour de bon. On veut partir d'ici car nous sommes tous en train de péter les plombs. Oh. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Laissez-nous passer. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Oh. Y'a plus une goutte d'eau pour remplir notre sort. Ni même une goutte de pluie, tout au fond du puits. En levant très vite sur le chemin de l'école, un beau jour il décide de prendre son envol. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Prépare un voyage et on se jette dans l'eau vide. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Laissez-nous passer. Ouvrez Vous êtes toujours dans le Maglib sur Jet FM et on va passer maintenant au billet Foutrac sur Madagascar, le deuxième donc. La semaine dernière, nous avions voyagé jusqu'à Madagascar afin de nous immerger dans l'un des nombreux bains de sang que la France a planifié dans le but de construire son cher empire colonial. Aujourd'hui, je vous propose de continuer ce périple meurtrier par un second volet, toujours à Madagascar donc. Puisqu'il semble qu'au goût de l'État français, la Grande Île n'avait alors pas encore payé suffisamment le prix de son désir de liberté et d'indépendance. En guise de léger rappel, nous nous sommes quittés donc du coup lors du précédent billet sur le portrait de Joseph Gallieni, général de l'armée française spécialisé dans les missions coloniales. Ce dernier est nommé gouverneur de Madagascar en 1896 et il se voit doté des pleins pouvoirs afin de rétablir l'ordre et la prospérité sur l'île. Une charge dont il s'acquittera implacablement par une répression brutale contre l'insurrection des Menalamba, dont le coût humain sera estimé à plusieurs centaines de milliers de malgaches assassinés. Lorsque Gallieni quitte Madagascar en 1905 pour aller préparer la revanche face aux voisins germaniques, il laisse l'île modernisée, unifiée, pacifiée, officiellement. Officieusement, la réalité apparaît légèrement plus trouble. Si des infrastructures flambant neuves ont effectivement été construites par la population autochtone à la faveur du travail forcé institué par Gallieni, si les derniers bastions rebelles ont été écrasés en 1904 avec la même violence que lors de la décennie précédente, et si la politique des races a été instaurée par le même Gallieni dans le but de déstructurer la cohésion sociale des Malgaches au profit de l'unification coloniale française, eh bien, malgré toutes ces brillantes et ingénieuses réussites, pourtant, quelque chose cloche, étrangement. Peut-être le hic provient-il de cette farouche volonté française à vouloir contraindre par la force le peuple malgache à l'asservissement le plus total, allez savoir. Quoi qu'il en soit, les triomphes coloniaux de Gallieni vont très vite se solder par un effet retors dévastateur sur la population malgache, dont une partie va choisir de ne pas cesser de résister à l'occupant, s'organisant en société secrète. L'une des plus importantes d'entre elles, la Vivato Sakelica, ou VVS, est fondée en 1913 par de jeunes intellectuels qui vont forger les premiers concepts nationalistes en faveur d'une indépendance de Madagascar. Évidemment, comme à son habitude, l'administration coloniale réprime brutalement cette nouvelle aspiration à l'émancipation. D'autant qu'elle fait tâche en ce début de Première Guerre mondiale, lors duquel la France essaye de concentrer ses forces, en piochant allègrement dans le vivier colonial pour continuer de remplir de chair fraîche les tranchées du nord de la métropole. Au début des années 20, la France est certes victorieuse, mais aussi sérieusement affaiblie par ces années de guerre. C'est alors que le mouvement de contestation malgache renaît une fois de plus de ses cendres, en prenant cette fois une forme très légaliste et en s'appuyant sur le modèle de la Ligue des droits de l'homme. Il prend d'ailleurs le nom de Ligue malgache pour l'accession des indigènes de Madagascar à la citoyenneté française. Et il se structure sous l'impulsion de Jean Ralemongo, l'une des principales figures politiques du nationalisme malgache dans l'entre-deux-guerres. Bon, vous commencez un peu à vous y habituer normalement. Légaliste ou non, ça n'intéresse que peu l'État français, qui réagit donc avec la violence coutumière et réprime une nouvelle fois les insurgés. Et cela jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, qui constitue le premier vrai tournant de la désagrégation du pouvoir de l'administration coloniale sur la Grande Île. Alors que le travail forcé était en recul depuis 1924, l'entrée en guerre en 1939 réactive la réquisition de main-d'œuvre forcée et permet ainsi aux colons de recouvrer de manière divinement inattendue un personnel gratuit et corvéable. Après la défaite de 1940 et la prise du pouvoir de Pétain, les colons de Madagascar vont faire le choix de se ranger du côté des vichistes, alors même que dès 1942, les alliés britanniques, qui lorgnent Madagascar depuis déjà plusieurs décennies, débarquent et occupent l'île, contribuant un peu plus à affaiblir le prestige français déjà bien entamé. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'ambiance semble pourtant changer. La France, qui a récupéré le pouvoir sur l'île, va supprimer quelques-uns des pires symptômes de son despotisme colonial rétrograde. Ainsi, le travail forcé et l'indigénat, sorte de législation d'exception, discriminatoire pour les autochtones et pour tout dire en fait très proche de l'apartheid, sont abolis. Mais en réalité, ces avancées sont à mettre au crédit des trois députés malgaches, entrés pour la première fois à l'Assemblée nationale entre 1945 et 1946. Surtout pas en tout cas aux parlementaires ou aux fonctionnaires français. Donc ces trois députés et leur rassemblement, le MDRM, pour Mouvement démocratique pour la rénovation malgache, sont pourtant peu radicaux et surtout, une fois encore, très légalistes. Ils sont même plutôt favorables au maintien de Madagascar dans le giron français et réclament uniquement un statut politique un peu plus souple pour Madagascar. L'Assemblée nationale ne daignera même pas examiner leurs demandes. C'est dans le même temps que l'indépendantisme malgache va se restructurer de manière vraiment plus active autour de deux principales sociétés secrètes clandestines de l'île, le Panama, pour Parti National Malgache, et le JINA, pour Jeunesse Nationaliste Malgache. Une période d'autant plus propice aux tensions qu'elle voit revenir sur l'île des milliers de soldats malgaches ayant été utilisés abusivement comme main-d'œuvre gratuite sur des chantiers bien après la fin de la Seconde Guerre mondiale, en venant donc logiquement grossir les rangs des indépendantistes convaincus. L'administration coloniale réagit alors et décide de créer, sous la pression des colons et du ministre des colonies, un parti dont le but sera de faire opposition au MDRM. Objectif, briser les revendications indépendantistes à n'importe quel prix. La France étant déjà embourbée de la même sorte en Indochine et ne tenant pas à multiplier des foyers incendiaires. C'est donc dans ce contexte que naît le PASDEM, le Parti des Déshérités, parti en réalité pro-français, mais qui recrute des malgaches toujours grâce à la même politique des races et de division ethnique chère à Gallieni 50 années plus tôt. Le même jeu dangereux auquel s'adonnera le colonisateur au Burundi ou au Rwanda, avec les tragiques conséquences que l'on connaît. Alors évidemment, la tension continue inexorablement de monter en cette fin du mois de mars 1947. Effet marquant, l'administration coloniale ne fait rien pour la contenir. Et cela même alors qu'elle est au courant, grâce à une foule de rapports précis d'indics et d'officiels locaux certifiant de l'imminence d'un déchaînement de violence populaire. Les trois députés malgaches ayant eu vent de la catastrophe qui s'annonce demandent à toute leur section de l'île, par voie d'affichage, de garder leur sang-froid et de ne pas céder aux provocations. Ces affiches seront systématiquement arrachées par la police, sur ordre du chef de la sûreté. Or, le timing est important. En effet, le MDRM avait prévu d'organiser, au début du mois d'avril 1947, les premières assises du parti et par la même occasion de manifester en faveur de l'indépendance, comme une impressionnante démonstration de force pacifique à l'attention des autorités. La manifestation n'aura jamais lieu. Durant la nuit du 28 au 29 mars 1947, l'insurrection commence lorsque des rebelles munis d'armes blanches se jettent à l'assaut de bâtiments militaires et administratifs afin de s'emparer des stocks d'armes. Ils sont repoussés facilement, bien que plusieurs morts soient déjà à déplorer dans les deux camps. Les jours suivants, le mouvement s'étend. Et déjà, l'administration ainsi que les colons accusent le MDRM d'être l'instigateur de ces émeutes. Malgré leur désaveu de l'insurrection, les trois députés malgaches sont arrêtés, malgré leur immunité parlementaire. Deux seront condamnés à mort et le troisième aux travaux forcés à perpétuité. Condamnation finalement commuée en très longue peine de prison. Le tout dans une parodie de procès politique tristement classique. Dès lors, les arrestations des militants du MDRM vont se multiplier, autant que les interrogatoires qui ont pour but de démontrer que c'est bien le MDRM qui a fomenté la révolte. Puis Madagascar va continuer à plonger toujours un peu plus dans l'horreur avec l'arrivée sur l'île des renforts militaires, accentuant fatalement une répression déjà terrible à l'encontre des rebelles et des civils. Finalement, on ne saura jamais combien de Malgaches ont été assassinés par l'armée française, faute de sources fiables, évidemment. Ce que l'on sait en revanche, c'est que l'armée française est alors à cette époque en pleine mutation. L'intervention à Madagascar est l'occasion rêvée pour elle de mettre en application les dernières trouvailles de son secteur recherche et développement, notamment en ce qui concerne la contre-insurrection. Ainsi, en plus de la torture systématique qu'elle a donc fait subir aux dizaines de milliers de militants du MDRM, l'armée française va aussi expérimenter pour la première fois de son histoire l'action psychologique. Afin de terroriser les villageois, des insurgés seront donc jetés vivants d'avions, volant à basse altitude. L'armée procède aussi plus classiquement à d'innombrables exécutions sommaires. Innombrables au sens d'inquantifiables, puisque sans témoins autres que le peuple qu'elle assassine. Les insurgés vont continuer à se battre, jusqu'à la fin de l'année 48, dans des conditions difficiles, de plus en plus isolés, malades et affamés. Et ils finissent alors par se rendre ou par décider de mourir volontairement au combat. Un combat pour le moins déséquilibré, opposant quelques milliers de combattants dotés de 250 fusils face à une armée moderne, équipée de blindés et formée à la torture. Longtemps, les dirigeants français se sont tus à propos des exactions commises sur ordre par leur armée à Madagascar, jusqu'en 2005 précisément. Le rôle des colons, soupçonnés d'avoir provoqué l'embrasement afin d'obliger Paris à réagir fermement une bonne fois pour toutes, reste trouble. Mais ce dont on peut être sûr en revanche, c'est de la proactivité et de la méticulosité avec laquelle l'État français a décidé d'intervenir à Madagascar, profitant de l'occasion belle pour démontrer sa toute-puissance sur le peuple malgache. À l'heure même où l'ensemble des empires coloniaux se délitait enfin. Mais pas le sien. En tout cas, pas sans un démentiel et mémorable dernier bain de sang. Une habitude qu'elle n'oubliera d'ailleurs pas de perpétuer. Mais ça, ce sont d'autres sales histoires. Je vais plutôt conclure en vous lisant un extrait du discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. Entre colonisateurs et colonisés, il n'y a pas de place que pour la corvée, l'intimidation, la pression, la police, l'impôt, le vol, le viol, les cultures obligatoires, le mépris, la méfiance, la morgue, la suffisance, la muflerie, des élites décérébrées, des masses avilies. Aucun contact humain, mais des rapports de domination et de soumission qui transforment l'homme colonisateur en pion, en adjugeant, en garde-choum, en chicotte, et l'homme indigène en instrument de production. À mon tour de poser une équation. Colonisation égale chosification. J'entends la tempête. On me parle de progrès, de réalisation, de maladie guérie, de niveau de vie élevé au-dessus d'eux-mêmes. Moi, je parle de société vidée d'elle-même, de culture piétinée, d'institutions minées, de terres confisquées, de religions assassinées, de magnificence artistique anéantie, d'extraordinaires possibilités supprimées. On me lance à la tête des faits, des statistiques, des kilométrages de routes, de canaux, de chemins de fer. Moi, je parle de milliers d'hommes sacrifiés au Congo océan. Je parle de ceux qui, à l'heure où j'écris, sont en train de creuser à la main le port d'Abidjan. Je parle de millions d'hommes arrachés à leur dieu, à leur terre, à leurs habitudes, à leur vie, à la vie, à la danse, à la sagesse. Je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le larbinisme. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées, ma vie est rivée. Y'a pas de champ de canon, j'achère. Tous les jours on y laisse et sa sueur et sa chair. Et nos pauvres corps meurent sans repos ni fraîcheur. Avec chapeau et foulard pour contrer la chaleur. Descendant de ces féroces croisières négrières, on garde force et courage en chantant à plusieurs. Il n'y a pas que le salaire pour creuser nos malheurs. Nos anciens tortionnaires sont nos nouveaux employeurs. Après avoir brûlé les barrières, arraché la lanière du fouet, lever les paupières vers la lumière et venir embrasser le rêve d'une vie meilleure où le nègre y serait une bannière à ses propres couleurs. On a mangé la poussière de la pire des manières, peu fier de retourner dans la plantation d'hier. La mer est une frontière, comment aller ailleurs? Désormais libre, ouais mais toujours inférieur. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées, ma vie est rivée à un sac de sucre. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées, ma vie est rivée à un sac de sucre. Où va le fruit de mon labeur? La douleur de mes bras et mes lombaires, la lourdeur de mes jambes et toutes ces longues heures à ratiboiser la canne pour battre ma misère. Et les blancs sont aisés, malins et rusés, ont belle maison et timoun scolarisé, soi-disant qu'il ne faut rien leur refuser. Moi j'ai la peau sur les os, sous une chemise usée. J'ai aidé les voisins, rassemblé mon réseau, j'ai sorti mon coutelas, aiguisé mes ciseaux et pris la décision sans trouble ni confusion de baptiser le béquet d'une belle incision, malfaisant, insolent, sur son trône installé, estimant comme son bien des terres qu'il a volées. Son destin sera le mien dès qu'il sera esselé. Il va entendre et comprendre et il pourra bien gueuler. Je laverai l'affront, je vengerai l'Afrique, les fonds de cale et le travail forcé à coups de clic. Et si le rhum et l'argent coulent à flot, c'est que j'ai un sac qui pèse un massacre sur le dos. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées, ma vie premier rivé à un sac de sucre. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées. Ma vie est rivée à un sac de sucre. Combien de massacres pour un sac de sucre? Ma vie se consacre à porter ma misère dans un sac de sucre. Combien de massacres pour un sac de sucre? Ma vie se consacre à porter ma misère dans un sac de sucre. Un sac de sucre. Une bouteille de rhum, un sac de sucre. Un sac de sucre. Une bouteille de rhum. Un sac de sucre. Vous êtes toujours à l'écoute du magazine Libertaire sur Jet FM 91.2 du côté de Nantes. Et on va maintenant parler de ce qui s'est passé ces derniers temps au gymnase Jeanne Bernard à Saint-Herblain. Pour comprendre la situation au gymnase, on va d'abord revenir en arrière. On va faire un grand bond en arrière. On aurait pu choisir de faire un plus grand bond, mais on va juste remonter 2 ans en arrière pour parler de l'occupation de l'école désaffectée des Beaux-Arts par des étudiants, des exilés. Enfin, on va parler de plusieurs occupations. En fait, on va pas toutes les raconter en détail, mais l'idée, c'est de se rendre compte un peu, de ce mouvement, de cette lutte des exilés pour leur logement, en fait. Donc, en 2017, c'était en novembre 2017, l'école des Beaux-Arts, l'ancienne école des Beaux-Arts, était occupée par des étudiants, des exilés, des personnes sans logement et des personnes solidaires. C'était le 18 novembre et cette occupation s'était déroulée suite à un rassemblement de soutien aux mineurs exilés qui dormaient à ce moment-là à la rue. Le lendemain, 200 flics bouclaient le quartier et l'école était expulsée par la force. Quelques jours plus tard, le 22 novembre, une partie du bâtiment Sensive à la fac de Nantes était occupée. Et le 25 novembre, c'était le château du Tertre à 2 pas de là qui était occupé à son tour. Lors d'une rencontre avec les occupants et occupantes de la Sensive, lors d'une rencontre du coup avec les occupants et les occupantes de la Sensive et du château, le soir du 26 novembre, le cabinet de la présidence de l'université à qui appartenaient les bâtiments n'a pas eu d'autre phrase à la bouche que « il faut évacuer le château ». Et pendant plusieurs semaines, la présidence va réitérer les menaces, mais la détermination des occupants, des occupantes et la solidarité qui s'est exprimée à chaque menace d'expulsion fera céder l'université qui annonce le 15 décembre qu'elle suspend sa demande d'expulsion. Bon, finalement, l'expulsion, elle va quand même avoir lieu le 7 mars 2018, alors même que la trêve hivernale n'est pas terminée. Et ce sont quelques centaines de personnes qui vont se retrouver à nouveau à la rue. Dès le 8 mars, un nouveau lieu est occupé, donc le lendemain. Il s'agit de l'ancien EHPAD de Bréa et toujours à Nantes. En quelques mois, le lieu s'est bien rempli, tant les besoins en termes de logement des exilés dans ce foutu pays est incroyable. Ainsi, avec ou sans papier, mineurs, majeurs, isolés ou avec famille, avec ou sans emploi, demandeurs d'asile ou non, se retrouvent dans ces locaux. Au mois de mai, ce sont au moins 350 personnes qui vivent à Bréa quand la préfecture décide de confier la, entre guillemets, gestion du lieu à une association, France Horizon. recensement des exilés, carte donnée à celles et ceux qui peuvent présenter un titre de séjour ou un récépissé de demande d'asile, vigile qui ne laisse entrer que celles et ceux qui peuvent présenter cette carte, retour à la rue pour celles et ceux qui n'ont pas réussi à obtenir ce fameux sésame. En juin 2018, un immeuble est occupé du côté de Chantenay par environ 150 exilés. Il sera évacué 10 jours plus tard. Un autre occupé vers Pierre-Mille dans la foulée et là aussi expulsion. Conséquence de toutes ces expulsions, des exilés commencent à dormir sous tente au square d'Aviet, en plein centre-ville de Nantes. On est au mois de juin, juillet. Et en quelques mois, ce sont plusieurs centaines de personnes qui n'ont d'autre solution que d'y installer aussi leur tente. L'été se passe tant bien que mal, la solidarité s'organise autour de Daviet. Le 23 juillet 2018, les occupants et occupantes sont expulsés une première fois. Un lycée est lui aussi occupé, mais rapidement expulsé. Le square Daviet est à nouveau occupé, avant d'être expulsé définitivement le 20 septembre 2018. Une partie des exilés vont être emmenés en car dans différents hébergements dispatchés dans tout le département, dont des gymnases de l'agglomération nantaise, et plein de gens restent encore une fois sur le carreau. Et les personnes qui ont eu des hébergements, c'est pas toutes ces personnes, elles n'ont pas eu des logements en fait. Hein. On parle bien d'hébergement et du coup pour une partie des personnes, c'est de l'hébergement temporaire. Bon, j'oublie certainement de citer beaucoup de choses de ces deux dernières années, mais c'est en tout cas dans ce contexte d'expulsion en série et dans le contexte de lutte des exilés pour obtenir des logements, et aussi parce que les pouvoirs publics refusent de mettre à disposition les nombreux logements vides qui permettraient que plus personne n'ait besoin de dormir à la rue. C'est dans tout ce contexte-là qu'il y a un an, des exilés ont trouvé refuge dans le gymnase, faute de mieux. J'ai oublié de dire avant tout ça que en octobre du coup 2018, l'ancienne EHPAD de Bréa, il s'est aussi fait expulser. Ça a été appelé par la ville une opération de déménagement. C'était bien une expulsion. Une partie des gens là aussi ont été emmenés par car vers des hébergements, certains temporaires, d'autres peut-être pas. C'est difficile de faire le point sur qui a vraiment eu des logements en fait. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vraiment des logements dans ces histoires d'expulsion et de soi-disant relogement? En tout cas, voilà, en octobre dernier, l'ancienne EHPAD de Bréa s'est fait expulser. Le parc des Fonderies, puis le square Vertet, qui avait été occupé à leur tour, se sont aussi fait expulser. Et ces parcs ont été, pour les grillagés, gardés par des vigiles. Et la ville de Nantes est même allée jusqu'à faire poser d'énormes gravats pour empêcher que quiconque puisse dormir au square Vertet sous un pont. Avant d'oublier ça, j'étais en train de dire qu'il y avait encore sûrement plein de choses que j'avais oubliées et qu'en tout cas c'était dans tout ce contexte que les gens avaient trouvé des personnes avaient trouvé refuge au gymnase dans ce contexte d'expulsion, on disait, dans ce contexte de lutte et dans ce contexte où les pouvoirs publics refusent de mettre à disposition, je le répète, les nombreux logements vides disponibles dans de nombreuses villes. Et du coup, c'est dans ce gymnase où ces personnes ont trouvé refuge que Oumar est mort jeudi dernier. Et il est mort dans sa tente, il est mort tout seul. Et voilà. Je sais pas comment dire. Il y avait une marche en fait en hommage à Oumar. Lundi soir, et du coup on vous propose d'écouter le son de cette marche. On n'oublie jamais ça. C'est une chose qu'on ne peut pas accepter dans nos vies. Ça c'est pire. La France pourtant qui nourrit des animaux. Et tu laisses des humains par terre qui vont mourir de faim. La France, tu n'es pas honte de faire ça. La France, c'est pas que nous sommes des Noirs, la France. Nous, on inspire comme vous, comme des peuples. J'aimerais bien que ça s'arrête, que ce soit Marocain, Algérien, tous les continents d'Afrique, l'Afrique noire. On aimerait bien que ça s'arrête ça. Le décès de Oumar, suite des souffrances et les galères. C'est pour ça Omar il était mort. Et le jour où Omar il était mort, les policiers sont arrivés pour besoin encore de Omar. Nous on a refusé. Pourquoi le moment où Omar il était vivant, le gouvernement français il n'est pas arrivé chercher Omar? Bien que nos frères noirs qui sont dans le territoire des Européens, c'est pas que la France. J'étais en Italie, c'est pire plus que ça. C'est pire plus que la France. En Allemagne, c'est pire plus que la France. Et pourtant, pour les Français, il n'a aucun respect pour les Noirs. Là, moi, ça me choque beaucoup. La France, il rentre dans mon pays comme son propre pays. Et une fois, les exilés tchadiens qui vivent ici, ils souffrent trop. Parce que la France, il était complice avec le gouvernement tchadien. Le 2 février 2018, le gouvernement français, il est rentré dans le territoire tchadien, qu'il a tué beaucoup de tchadiens. Et pourtant, ça ne concerne pas les Français. C'est un problème concernant entre nous les tchadiens. Pourquoi la France, qui va aller défendre le président dictateur, ça fait 30 ans qu'il est au pouvoir, parce qu'à cause de son richesse en Afrique. C'est pour ça que la France il a défendu ce président. C'est pour ça que la France voulait qu'il y ait un conflit entre citoyens français et les citoyens africains. Et pourtant, les citoyens français, ils sont innocents envers nous, si vous voulez. Maintenant, nous, on a compris la France. On a compris le gouvernement français raciste. Arrête de voler l'argent d'Afrique. Payez les salaires des polices. Payez les salaires des fonctionnaires. Trouvez ton propre moyen de nourrir tes peuples. Ça suffit. Ça fait plusieurs années que vous avez tué des Africains. Nous, on a compris ça. On aimerait bien que ça s'arrête. J'aimerais bien que les policiers respectent les exilés, respectent les Noirs, respectent les Africains. Nous, on en est marre de vous. Dès qu'il y a une manif des exilés, les policiers, ils courent comme un lion qui la vient vient quelque part. Non, ça suffit. Et stop la police. Nous, on est là ce soir, sur le couloir de notre frère, qu'on a perdu il y a 5 jours. Vous pensez que c'est comme d'autres Noirs que vous avez tués. Nous, on n'oublie jamais ça. Jamais. Même s'il est mort. Et finalement, nos frères qui est mort, on va enterrer vendredi à 14h ici à Nantes. Avant, on a décidé de ramener dans nos pays. Et finalement, on a décidé d'enterrer ici. Et ça, si je vous parle, on a fait une manif, c'est pas à cause d'Omar. C'est à cause de d'autres nos frères qui sont au gymnase, qui sont à la rue. On aimerait bien que tout le monde qui sache que la France qui néglige des hommes africains. Ils calculent même pas comme des humains. Et ça, c'est fini la France. Et ça, c'est fini les policiers. Arrêtez de courir derrière des migrants. Vous avez du travail à faire. Ça, c'est pas votre mission. Nous, on a droit, comme vous, qu'on a droit de faire marche, qu'on a droit de chercher nos libertés. Et le décès de Oumar, ça nous choque beaucoup. Ça choque beaucoup. Normalement, Oumar, il ne mérite jamais ça. La veille de son décès, j'ai vu qu'il a monté au tram, qu'on a discuté avec lui. Il n'est pas malade. Parce que vous avez négligé, il est mort de faim, de souffrance de vos pays. C'est un pays qui respecte aucune Africain dans son territoire, qui ment. Pourtant, quand vous rentrez dans nos territoires d'Afrique, nous on vous donne une carte. Et une fois si les Africains rentrent dans vos territoires, vous donnez 1,50 m de récipicé. Ça montre qu'il est différent. Ça montre qu'il est exilé. Non, la France, vous n'êtes pas honte de faire ça. Vous avez possibilité de faire une carte pour l'exilé. Vous n'avez pas besoin de faire une récipicé. Arrêtez de distinguer les gens de la France. Arrêtez le gouvernement raciste. Rentrez dans nos territoires. Découlez nos sangs comme de l'eau. Donc voilà, vous êtes toujours sur le magazine Libertaire, sur Jet FM, et vous venez d'écouter un son qui a été fait lors de l'hommage à Oumar, qui est mort jeudi dernier au gymnase. Donc ça, c'était lundi soir, ce son. Et mardi matin, vers 6h30, une armada de flics est arrivée au gymnase avec des agents de l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et l'association France Horizon. On a trouvé des témoignages de ce qui s'est passé en fait hein, hier matin au gymnase sur le SoundCloud de l'espace Tamo. On donnera tout à l'heure la référence pour le retrouver. Tamo, c'est un lieu d'accueil de jour pour les exilés à Nantes. Et du coup, ce qu'on va entendre, c'est deux personnes qui témoignent de ce qui s'est passé au gymnase. Donc on vous laisse écouter et on revient tout de suite après. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Alors, vous viviez au gymnase. Est-ce que vous pouvez me raconter ce qui s'est passé aujourd'hui? Oui, bien sûr. Hier, la nuit, j'ai dormi au gymnase. Vers 6h du matin, nous avons vu, avec la forte mobilisation de la sécurité nationale, armée jusqu'aux dents, on s'est même dit s'il y avait de la guerre ou bien, accompagné de l'association Horizon France. Il y avait aussi les membres de l'OFI, Office français de l'immigration et de l'intégration. Oui. Par la suite, ils nous ont dit, nous allons vous trouver des logements après. Vous pensiez que c'était aujourd'hui? Oui, on pensait que c'était aujourd'hui, mais malheureusement non. Bon, par la suite, ils ont dit qu'ils vont amener les couples, c'est-à-dire que les familles, des gens qui ont leurs enfants, des personnes qui ont leurs enfants, ou bien des couples, ils vont partir avec eux. Mais ça, c'est vrai, ça c'est la priorité. Les couples sont les priorités. Bon, nous, les autres demandeurs d'asile, comme par exemple nous, les membres de l'OFI avaient pris notre récépissé pour les enregistrer. Oui. Après, ils nous ont remis des cartes. Et cette carte-là permet de montrer devant la porte si tu rentres ou bien si tu veux sortir. C'est cette carte que vous devrez montrer à la police. Parce que à partir d'aujourd'hui, la police sera là tout le temps pour veiller à la sécurité des gens, à l'extérieur comme à l'intérieur. Mais le problème en est que nous vivons comme des prisonniers. Oui. C'est pas normal que la police encercle le lieu ou bien le site à côté du gymnase et contrôle les cartes. Mais ce qui nous fait mal, c'est que les membres de l'OFI, lors de notre enregistrement à la préfecture, les membres de l'OFI nous avaient posé des questions si nous aurions besoin de logements. On les avait répondu oui. Ils avaient enregistré notre dossier et nous disent en même temps que vous êtes sur la liste d'attente. Mais aujourd'hui, les membres de l'OFI, ils sont venus réenregistrer encore les récépissés. Parce qu'il y a des gens même qui avaient même enregistré leur dossier à la préfecture, alors qu'hier, qu'ils n'avaient pas dormi au gymnase. Il y a des gens qui n'avaient pas de logement. Très bien. Même s'ils ont fait la demande. Même s'ils ont fait la demande, alors qu'ils n'ont pas encore de logement. Mais qu'est-ce qu'ils feront, qu'est-ce qu'ils vont faire avec eux? C'est ça le problème. Et donc, les personnes qui étaient au gymnase cette nuit ont eu une carte et vont pouvoir redormir. Mais les personnes qui étaient, par exemple, si on prend le cas de ton ami qui est là, qui dort régulièrement au gymnase, mais là, pour le coup, tu avais une possibilité de dormir au 115, c'est ça? C'est ça. Parce que moi, c'est sans qu'est-ce qui m'a éversé maintenant. Mais pendant une semaine, j'avais sorti, 6 mois sorti. Parce que Zodi, j'ai parti à gymnase, là, il m'a dit que si toi, tu n'es pas carte, tu n'es pas dort là-bas. D'accord. Donc ça aussi, c'est difficile pour nous, parce que il y a des gens, si tu appelles 115, ils ne prennent pas, on a dort à gymnase. Si on n'est pas dort à gymnase, on dort à 115, mais c'est difficile pour nous maintenant, parce que nous, on n'est pas à carte qui nous permettait pour rentrer à gymnase. Ouais. Donc, c'est-à-dire que c'est difficile, nous on adore la gare ou bien la route, c'est à difficile, oui. C'est-à-dire que le gymnase, là vous pourrez, une fois que le 115 oui, c'est ça. Ne te proposera plus de t'héberger, c'est-à-dire dans 20 jours, oui. Aujourd'hui tu seras à la rue et tu ne pourras plus retourner au gymnase. Oui. Et donc tu n'auras pas de solution d'hébergement ni maintenant ni après, oui. Puisqu'ils ont tout recommencé comme l'expliquait. Et nous on a demandé asile aussi, comme la gens qui... il y a des cartes, tout. Oui. Mais pourquoi nous n'est pas permettre nous tout qui demande asile de donner la carte, mais pourquoi il est arrêté, l'autre il n'est pas arrêté. Nous tout on a demandé asile aussi. C'est difficile, hein? Oui, c'est difficile. Il faut le faire quelque chose pour nous, parce que nous si des 115 il prend pas nous, c'est difficile pour nous. Vous dormez à la rue? Oui. Donc probablement que ce soir, il va y avoir encore plus de personnes à la rue qu'avant. Oui, il y a beaucoup de personnes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'est pas rentrées à la gymnase parce que la police, il est bloqué tout. Il n'est pas parce que toi, tu n'es pas dehors là-bas ou je ne sais pas. Oui, parce que il y a les gens qui font là-bas à gymnase presque un an. Ils sont loupés hier. Une seule nuit. Une seule nuit. Oui. Alors là, ça fait un an qu'ils vivent là-bas. Oui. Par exemple, comme mon cas là, moi j'ai fait là-bas depuis septembre dernier, 2018. Jusqu'à maintenant, ça fait un an, quelques jours, tu vois. J'ai juste loupé hier, la nuit. J'ai arrivé presque 6h, 6h45, comme ça. Ils se sont dit non, tu ne peux pas rentrer là. Là, c'est mort pour moi, tu vois. Parce que au début, quand moi j'étais là, même moins de 100 personnes. Nous, on est 60 personnes comme ça. Au début, nous, on est 60 personnes, 75 personnes. Tu vois, c'est nous qui nettoyons, c'est nous qui souffrons là-bas. Tu vois, j'ai juste loupé hier. Une nuit, là, ils ont dit, tu ne peux pas rentrer, tu ne peux pas, ils cartent maintenant, il faut. Ils ont pris mon nom, mes dates de naissance, tout là. Mais ils ont rien. Ouais, ils ont rien fait pour moi, tu vois. Là, c'est mort pour moi, tu vois. On est de retour sur le magazine Libertaire. Vous venez d'entendre des témoignages du coup de personnes qui étaient au gymnase hier matin. Vous pouvez retrouver ce témoignage sur le SoundCloud de Tamo. On mettra le lien sur notre blog et sur la page de l'émission sur le site de Jet FM. Et je voulais terminer sur ce sujet en listant les besoins matériels. Du coup, comme vous en doutez, la police est venue, mais la police est venue aussi accompagner. De Ben, je sais pas comment dire autrement, mais de camion Ben en fait pour confisquer en fait une partie du matériel. Du coup, il y a besoin, et pour les personnes qui n'ont pas de place au gymnase et qui n'ont pas pu récupérer leur matériel, il y a des besoins de tentes, de sacs de couchage, de bouteilles d'eau, de nourriture, de produits d'hygiène. Il y aurait aussi des besoins d'hébergement, mais là, on n'en sait pas plus. Moi, je vous invite à aller voir la page Facebook du CRAN, c'est le comité de réquisition et d'action nantais, et la page des Gilets Noirs nantais. Du coup, c'est deux pages Facebook qui sont aussi en libre accès, du coup vous pouvez les voir. Et je vais terminer en lisant le communiqué des Gilets Noirs de ce matin. Du coup, le communiqué, j'imagine, il est précédé par la version officielle de la préfecture et de la mairie. Du coup, ils disent « Voilà la version officielle, et puis celle que les habitants et habitantes nous donnent. Il y a bien des personnes avec titre de séjour au récépissé qui n'ont pas eu de carte, n'étant pas présents sur les lieux à 6h30 hier matin. Il y a également celles qui n'avaient pas envie de voir les flics au réveil et qui sont donc partis la veille, et qui sont donc à la rue aujourd'hui. » Il y a ceux qui ont été emmenés au commissariat, puis libérés car ils avaient finalement des récépissés, mais oups, du coup ils n'ont pas de carte, eux non plus. On nous dit que ça va être aménagé, les habitants nous ont dit qu'ils avaient voulu enlever les tentes à tout le monde, mais qu'ils avaient refusé collectivement. La grosse blague, c'est le repas chaud. Hier soir, ils ont eu une barquette avec du taboulé et de l'escalope froide et pas halal. Rappelons que manger halal n'est pas un principe, avant d'entendre les bien-pensants nous dire « quand on a faim, on mange ». Et en dessert, une petite compote. On essaye d'avoir des images de l'intérieur très vite pour pouvoir vous montrer. Hier, il y avait une quinzaine d'agents de sécu de chez Optimum devant, et il y en avait d'autres dedans. On retombe donc sur les mêmes prestataires, Optimum Sécurité et France Horizon Autry. Le monopole du marché de la honte à Nantes depuis des années. Force et courage à nos camarades enfermés au centre de rétention hier. Et du coup, effectivement, il y a 11 personnes. La presse annonce que 11 personnes ont été amenées au centre de rétention hier suite aux opérations au gymnase, aux opérations de recensement, de tri. Je ne sais pas trop comment appeler ça. En tout cas, c'est un début d'expulsion du gymnase. Et les autorités trient les gens à qui ils trouvent plus légitime de filer des logements qu'à d'autres. En tout cas, les personnes, elles restent solidaires entre elles. Et je redis, vous pouvez trouver les infos sur le site du collectif de réquisition et d'action nantais et sur le site des Gilets Noirs à Nantes. Et n'hésitez pas aussi à aller montrer votre soutien auprès du gymnase. C'est à Saint-Herblain, c'est le gymnase Jeanne Bernard. Et comme on est un petit peu en retard, on va passer un petit morceau de musique quand même avant de se dire au revoir. Freedom, I don't need them. Where'd you read them? This one needs a brand new read them. Weed and the key. Weed and the key them to life. Let's beat them. Weed them smartphones, don't beat them. Give it in and do do do do do do do do. What's up?